jeunesse, ce printemps de l'âge, mais déjà l'heure pour charlatan de penser, d'endoctriner, de primer le jeune auditeur. Spectateur qui face au rêve se livre tel un enfant qu'on rendrait rieur. Sécateur d'une quelconque ascension spirituelle, le présentateur se donne le droit de tutelle. Cautionne, conditionne l'adolescence trompée de jeunes branleurs acculturés, privés d'une quelconque démarche de réflexion personnelle qu'on voudrait censurer, censuer, privatiser. Prolifère les programmes populaires pervers sans terre, plus bactère nos références culturelles et par là même l'intellect potentiel mais congénère, neuronal, œdème, pulmonaire qui fout la merde comme du soufre dans mon oxygène. Vite, vite, faut que je me sauve. Un bol d'air, un bol d'air. On pompe l'air, l'air de rien. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses de nous, y'a pas moyen dans ce bordel. C'est un peu pion, mauvais citoyen. Ça manigance sous ton nez, tout ça l'air de rien. Un bol d'air, on pompe l'air, l'air de rien. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses de nous, y'a pas moyen dans ce bordel. C'est un peu pion, mauvais citoyen. Ça manigance sous ton nez, tout ça l'air de rien. On n'est jamais à l'abri d'une quelconque sentence. Autant d'étiquettes collées au dos que d'ados collés au mur comme des sans-domicile. Sale dans le regard de l'autre, cible. Pour des balles perdues qui frôlent nos nerfs combustibles. On brûle, mais nos corps ne se consument pas. Le front s'enflamme dès qu'un mec en manque de thunes paie pas. Le pain qui bouffe, c'est ouf. Le newf nous guette tous, nous bouffe le souffle. Putain, j'étouffe, merde. Un bol d'air, la tête sous juste mes semelles. Un bordel, la vieille derrière son rideau. De quoi se mêle-t-elle? On me catalogue, mauvais garçon, moi et mes homologues. On nous catalogue en 205 caps, vendeurs de drogue. Et le sociologue nous place tous dans la même pirogue. La vague médiatique ignore nos blèmes jusqu'à ce que l'épilogue ressemble à des turbois qui crament. Et là, le démagogue surgit, sourire aux lèvres et dit qu'il veut un dialogue. Un bol d'air, on pompe l'air, l'air de rien. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses de nous, y'a pas moyen dans ce bordel. Simple pion, mauvais citoyen. Ça manigance sous ton nez, tout ça l'air de rien. Un bol d'air, on pompe l'air, l'air de rien. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses de nous, y'a pas moyen dans ce bordel. Simple pion, mauvais citoyen. Ça manigance sous ton nez, tout ça l'air de rien. Vite, vite, vite. Dernier couplet, histoire de la faire à l'envers et te mettre à l'étroit. Trois pieds sous terre, en manque d'air. À quatre pattes comme un schlag, une tasse, un wakana. Cinq, on trinque et c'est pas de la weed. Six, système veut nous voir noyer, mais sept. Trois, on s'insurge face en 1848. Marco Ferrandez pour le 9-9. Forge un moral d'acier avant 2010. Les détracteurs, détractés, programme d'amatrice. Un seul but, une seule route, une seule lutte. Un sale combat, départ de faire plein le fut. Soldat, soldon, la dette du tiers-monde. Quitte à voler l'État, voler les lois, mais qui t'a dit quoi qu'on devait quelque chose? À qui cela même qui te conditionne à la consomme, bafoue les droits de l'homme. Les droits de l'homme, on nous les gomme, on nous sodome. Cesse donc d'être la pomme de Babylone. Un bol d'air, on pompe l'air, l'air de rien. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses de nous, y'a pas moyen dans ce bordel. Simple pion, mauvais citoyen. Ça manigance sous ton nez, tout ça l'air de rien. Un bol d'air, on pompe l'air, l'air de rien. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses de nous, y'a pas moyen dans ce bordel. Simple pion, mauvais citoyen. Ça manigance sous ton nez, tout ça l'air de rien. Un bol d'air, on pompe l'air, un bol d'air. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses dans ce bordel, simple pion, mauvais citoyen. Ça manigance, veut un bol d'air. Un bol d'air, vite, vite, vite, tout ça l'air de rien. Un bol d'air, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Ça manigance sous ton nez, et tout ça l'air de rien. Vite, vite, vite, vite, vite, un bol d'air. Quoi qu'on dise, quoi que tu fasses de nous, y'a pas moyen. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite.